Troisième partie. Quelle occasion? C'est une excellente marque. Elle n'est pas neuve, mais 15 000 francs pour une voiture comme ça, c'est une affaire. Tu crois? C'est certain. Et puis, nous la paierons à tempérament. Tu es sûr de ne pas avoir d'ennui avec une voiture d'occasion? Pas avec celle-là. Je fais confiance au garagiste qui me la vend. Ou alors ça va? Il y a seulement deux ou trois petites choses à changer pour me la rendre absolument parfaite. Et le garagiste me dit que le plus simple, ce serait de faire changer le moteur. Ça coûterait moins cher que de la faire réviser à fond.